On a une amplification par le cellulaire dans l'électrification neuronale. Votre système cellulaire, au niveau du noyau des cellules, il y a quelque chose qui se passe là, qui est une sorte de petite fission nucléaire, comme des petites centrales, puis ça lie au plan. C'est-à-dire que c'est là qu'il se passe quelque chose qui fait que vous êtes vivant. Mais le vrai vivant, là, pas l'imitation du vivant. Le vrai, vrai vivant, il faut que l'énergie passe d'un plan à l'autre. Donc, l'électrification neuronale, il va y avoir une amplification de ce phénomène-là. Tout simplement.